Parliamentary Assembly, Assemblée parlementaire, Doc 11302, 11 juin 2007. Détention secrète et transferts illégaux de détenus impliquant des États membres du Conseil de l'Europe. Second rapport. Rapport. Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Rapporteur, M. Dick Marty, Suisse, Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Résumé. La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme considère désormais comme établie dans les faits l'existence pendant plusieurs années de centres de détention secrets tenus par la CIA en Pologne et en Roumanie. La Commission n'exclut pas pour autant que des détentions secrètes par la CIA aient également existé dans d'autres États membres du Conseil de l'Europe. L'analyse des données concernant des mouvements de certains avions obtenus de différentes sources, notamment celle du contrôle aérien international, complété par de nombreux témoignages crédibles et concordants, a permis d'identifier les lieux concernés. Ces lieux de détention secrets faisaient partie du programme HVD, High Value Detainees, détenus de grande importance, évoqué publiquement par le président des États-Unis le 6 septembre 2006. Le programme HVD a été mis en place par la CIA avec la coopération de partenaires européens officiels appartenant à des services gouvernementaux et a été tenu secret pendant de longues années grâce à un strict respect des règles de confidentialité fixées dans le cadre de l'OTAN. La mise en œuvre de ce programme a donné lieu à de nombreuses et graves violations des droits de l'homme. La Commission déplore vivement que les concepts de secret d'État ou de sécurité nationale soient invoqués par de nombreux gouvernements, États-Unis, Pologne, Roumanie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Italie, Allemagne, ainsi que la Fédération de Russie dans le Caucase du Nord, pour faire obstacle aux procédures judiciaires et ou parlementaires visant à établir les responsabilités de l'exécutif et de ses agents par rapport à des allégations graves de violation des droits de l'homme. La Commission souligne également la nécessité de réhabiliter et de dédommager les victimes de telles violations. Les informations ainsi que les preuves relatives à la responsabilité civile, pénale ou politique des représentants de l'État concernant des violations graves des droits de l'homme ne doivent pas être considérés comme dignes de protection en tant que secret d'État. L'éventail du domaine réservé de l'exécutif, soustrait au contrôle parlementaire et ou judiciaire au titre du secret d'État, doit respecter les principes de la démocratie et de la prééminence du droit. La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme réaffirme solennellement sa position selon laquelle le terrorisme doit et peut être combattu par des moyens qui respectent les droits de l'homme et la prééminence du droit. Cette position de principe, fondée sur les valeurs défendues par le Conseil de l'Europe, est aussi celle qui assure le mieux l'efficacité du combat contre le terrorisme à long terme. Remarque introductive, aperçu. 1. Ce qui n'était auparavant que des allégations est désormais une certitude. De nombreuses personnes ont été enlevées de divers endroits un peu partout dans le monde pour être remises à des pays où elles étaient persécutées et où il est notoire que l'on pratique couramment la torture. D'autres ont été détenues arbitrairement, sans accusation précise à leur encontre, soustraites à tout contrôle judiciaire, dans l'impossibilité de se défendre. D'autres encore ont tout simplement disparu de la circulation pendant des périodes indéfinies et ont été enfermés dans des prisons secrètes, y compris dans des États membres du Conseil de l'Europe, dont l'existence et les activités ont été cachées depuis lors. 2. Des personnes ont été détenues pendant des périodes de plusieurs années dans ces lieux de détention secrète, soumises à des traitements dégradants et à des techniques d'interrogatoire qualifiées de « renforcées », en fait une manière pudique pour définir une forme de torture, dans le but d'obtenir des informations, aussi peu fiables soient-elles, qui, selon les États-Unis, ont protégé notre sécurité commune. Ailleurs, d'autres personnes ont été transférées à des milliers de kilomètres dans des prisons dont elles ne connaîtront peut-être jamais la situation géographique, soumises à des interrogatoires incessants, abusées physiquement et psychologiquement, avant d'être relâchées car elles ne correspondaient tout simplement pas aux individus recherchés. Ces dernières, après le calvaire subi, ont été libérées sans un mot d'excuse ni aucune indemnité, sauf une seule exception remarquable due à l'attitude éthique et responsable des autorités du Canada, et devant en plus subir l'opprobre du doute quant à leur innocence et, ici même en Europe, le harcèlement du racisme alimenté par une certaine presse. Ce sont les terribles conséquences de ce que d'aucuns appellent la guerre contre le terrorisme. 3. La stratégie en question a été voulue et mise en place par l'actuelle administration des États-Unis d'Amérique pour faire face à la menace terroriste mondiale, mais n'a été rendue possible que grâce à la collaboration à divers échelons institutionnels des nombreux pays partenaires des États-Unis. Parmi ces partenaires, comme nous l'avons déjà illustré dans le rapport du 12 juin 2006 à PCE DOC 10957, plusieurs États membres du Conseil de l'Europe. C'est seulement dans des cas exceptionnels que certains de ces États ont pleinement reconnu leurs responsabilités. C'est le cas notamment de la Bosnie-Herzégovine, alors que la majorité d'entre eux n'a rien fait pour rechercher la vérité. En réalité, beaucoup de gouvernements ont tout fait pour masquer la vraie nature et l'ampleur de leurs activités et persistent dans leur attitude non coopérative. Très peu de pays, d'autre part, ont répondu favorablement aux propositions du secrétaire général du Conseil de l'Europe, formulées au terme de la procédure ouverte en vertu de l'article 52 de la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH. Voir document SG 2006-01. 4. Les restitutions et les enlèvements des présumés terroristes et leur détention ont toujours eu lieu en dehors du territoire des États-Unis, où de tels actes auraient été certainement jugés contraires à la loi et à la Constitution. Il va sans dire que de tels actes sont également inadmissibles aux yeux des lois des pays européens, qui pourtant les ont tolérés, voire ont activement collaboré à leur mise en œuvre. Cette délocalisation d'activités illégales outre-Atlantique a un aspect d'autant plus choquant, car elle constitue fondamentalement une expression de mépris envers les pays sur le territoire desquels on décide de commettre ces actions. Le fait que ces mesures soient prévues seulement pour des personnes non américaines est tout aussi troublant. Cela ressemble à une forme d'apartheid juridique et témoigne d'une mentalité de supériorité exaspérée. Une fois encore, la responsabilité n'est pas seulement du côté américain, mais aussi et surtout des gouvernants politiques européens qui ont sciemment accepté cet état des choses. 5. Certains gouvernements européens ont fait et continuent de faire obstacle à la recherche de la vérité en invoquant la notion de secret d'État. Le secret est invoqué pour ne pas fournir d'explications aux instances parlementaires ou pour empêcher les autorités judiciaires d'établir les faits et de poursuivre les responsables d'actes délictueux. Ces critiques sont notamment valables envers l'Allemagne et l'Italie. En Allemagne, la notion de privilège exécutif essentiel semble permettre au gouvernement de retenir certaines informations pertinentes de la commission d'enquête parlementaire. Certains de ses membres ont d'ailleurs saisi récemment la Cour constitutionnelle fédérale pour obliger le gouvernement à dévoiler plus d'informations. En ce qui concerne l'Italie, il est frappant de constater que la doctrine du secret d'État est invoquée contre le procureur en charge de l'enquête de l'affaire Abu Omar, avec des justifications qui sont presque identiques à celles qui sont avancées par les autorités de la Fédération de Russie pour réprimer des scientifiques, des journalistes et des avocats, dont un bon nombre a été poursuivi et condamné pour des soi-disant activités d'espionnage. La même démarche a induit les autorités de l'ex-République yougoslave de Macédoine à cacher la vérité et à donner une version manifestement fausse concernant les agissements de ses propres agences nationales ainsi que de la CIA lorsqu'elles ont procédé à la détention secrète et à la restitution de Khaled El-Masri.